La troisième. C'est le titre. La troisième, elle revient. C'est toujours la première. Comme dit Gérard de Nerval. Neuvième séance de la troisième, où il va être question de quelque chose apparemment que beaucoup attendent, hein. C'est des réflexions autour de la jouissance. Mais évidemment, on évitera une espèce d'image ridicule, hein, dont nous avons déjà parlé, de psychanalystes absolument hors d'âge et avec devant eux un panneau « La jouissance féminine ». De type assez ridicule, quoi, très connu. Donc, on va essayer d'éviter ça. Donc, de parler à partir du texte de Lacan, et puis d'essayer d'y voir un peu clair à partir aussi de considérations un peu illustrées pour justement sortir de ces mots qui deviennent des mots de jargon qui viennent boucher le trou. Hein, chacun dit le réel, la jouissance. Et puis d'un seul coup, ah ouais, tout le monde compte sur quelqu'un d'autre pour comprendre ce que ça veut dire. Nous, on va essayer de l'illustrer, de discuter un peu plus entre nous, comme on le fait d'habitude, à partir de ces notions-là, qui sont des notions complexes. Alors, la dernière fois, je vous ai épargner le résumé des épisodes précédents. Mais là, peut-être il faut faire juste un tout petit retour. C'est au tout début, donc vous vous souvenez que l'axe, c'est le « je pense, donc se jouit ». Donc c'est la manière dont Lacan entend le cogito cartésien. Donc, on a vu hein, un petit peu, on a essayé d'explorer ce truc-là qu'on a appelé le choix forcé, enfin on a appelé Lacan lui-même, hein, donc que la jouissance, eh bien, elle est interdite à qui parle en tant que tel. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On a vu que le « je suis », c'était du côté du réel, donc, et le « je pense » du côté du signifiant. Là, Lacan, à l'endroit où on en est de notre approche, on va être directement sur le schéma. Donc, bon, Patrick, en plus, vous le savez, a écrit un livre superbe qui s'appelle « Les dimensions de la jouissance ». Donc, on va peut-être essayer d'y voir un peu plus clair sur cette notion complexe. Voilà. Regarde, c'est là, il est au tableau, là. Il est en train de faire des schémas. Deux schémas comme ça à peu près, hein, mais pas aussi détaillés que celui-là. C'est là où on entend pas très bien. Mais après, ça va. C'est vrai que j'aurais pu mettre un peu plus loin. Là. Non, c'est bien. Si c'est le cas pour ce qui en est de la jouissance du corps en tant qu'elle est jouissance de la vie, la chose la plus étonnante, c'est que cet objet, le petit âme, sépare cette jouissance du corps de la jouissance phallique. Pour ça, il faut que vous voyez comment c'est fait. Comment c'est fait le nœud roméen. C'est était infernal parce qu'il bougeait tout le temps. Que la jouissance phallique devienne anomalique à la jouissance du corps, c'est quelque chose qui s'est déjà aperçu 36 fois. Je ne sais pas combien de TPC sont un peu à la page là de ces histoires à la mort moelle d'oie là qui nous viennent de l'Inde. Kundalini, ils appellent ça. Il y en a qui désignent par là cette chose à faire grimpette tout le long de leur moelle, qui disent, parce que depuis on a fait quelques progrès en anatomie, alors ce que les autres expliquent d'une façon qui concerne l'arête du corps et s'imagine que c'est la moelle et que ça monte dans la cervelle. Oui. L'or corps de la jouissance phallique, pour l'entendre, et nous l'avons entendu ce matin, grâce à mon cher Paul Matisse, qui est aussi celui à qui je faisais grand compliment de ce que j'ai lu de lui sur l'écriture et la psychanalyse. Ben, il nous en a donné ce matin un formidable exemple. C'est pour une lumière, ce machimie. C'est pour nous dire que c'est Saint-Sébastien qui lui a donné l'occasion d'éjaculer pour la première fois. Faut vraiment que ça l'ait épaté, cette éjaculation. Nous voyons ça tous les jours, les types qui vous racontent que leur première masturbation, s'en souviendront toujours, que ça crève l'écran. Oui. En effet, on comprend bien pourquoi ça crève l'écran. Ça vient pas du dedans de l'écran. Lui, le corps, s'introduit dans l'économie de la jouissance. Ça, c'est là que je suis parti par l'image du corps. Le rapport de l'homme, ce qu'on appelle de ce nom, avec son corps, s'il y a quelque chose qui souligne bien qu'il est imaginaire, c'est la portée qui prend l'image. Et au départ, j'ai bien souligné ceci, c'est qu'il fallait pour ça quand même une raison dans le réel, et que la prématuration de Polk, c'est pas de moi, c'est de Polk. Moi, j'ai jamais cherché à être original, j'ai cherché à être logicien. C'est bien que la prématuration qui l'explique, cette préférence pour l'image, qui vient de ce qu'il anticipe sa maturation corporelle. Avec tout ce que ça comporte, bien sûr. À savoir qu'il ne peut pas voir un de ses semblables, façon penser que ce semblable prend sa place, donc naturellement qu'il le vomit, oui. Oui. est-ce qu'il est comme ça, Vinci? Si inférité à son image. Vous savez le mal que je me suis donné, hein, dans un temps, hein, parce que naturellement vous en êtes pas aperçu, hein, le mal que je me suis donné quand même pour expliquer ça. Enfin, je voulais absolument donner à cette image je ne sais quel prototype chez un certain nombre d'animaux, à savoir le moment où l'image, enfin ça joue un rôle dans le processus germinal. Alors j'ai été chercher le criquet pèlerin, un tas de trucs, hein, bon, l'épinoche, la pigeonne, oui. En réalité, c'était pas du tout quelque chose comme un prélude, un exercice, hein. C'est des hors-d'œuvre, tout ça. Que l'homme aime tellement à regarder son image, ben voilà. Il n'y a qu'à dire, c'est comme ça. Mais ce qui est le plus épatant, c'est que ça a permis le glissement, n'est-ce pas, le glissement du commandement de Dieu. L'homme est quand même plus prochain à lui-même dans son être que dans son image, dans le miroir. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire du commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, si ça ne se fonde pas sur ce mirage, qui est quand même quelque chose de drôle, mais comme c'est ce mirage, justement, et ce qu'il porte à haïr non pas son prochain, mais son semblable. C'est un truc qui porterait un peu à côté si on ne pensait pas que quand même Dieu doit savoir ce qu'il dit et que il y a quelque chose qui s'aime mieux encore pour chacun que son image. S'arrêter là et engager notre... Bon, bah, comme tu l'as dit dans l'introduction que tu as faite, c'est qu'au début de son enseignement, pour Lacan, c'était la jouissance de l'autre est interdite à celui qui parle comme tel. Hein, c'est sa phrase. Et par conséquent, pour lui, le signifiant avait un rôle d'interdit de la jouissance. Or là, il y a une bascule qui se produit depuis le séminaire encore, c'est qu'il est en train, au contraire, de changer les perspectives en disant que le signifiant, au contraire, il est aussi cause de la jouissance. D'un côté, inversant, interdicteur de la jouissance, et de l'autre côté, cause de la jouissance, ce qui est quand même un événement très très important et un changement radical dans son enseignement, que l'on a vu apparaître d'une façon plus claire ici, quand il a parlé du ronron du chat, comme signifiant pour lui un exemple de la primarité de la jouissance sur le par-lettre, sur le parler en gros, sur le langage. Bon, chez le chat, évidemment, quand on voit un chat qui ronronne, c'est vrai que de temps en temps, ils sont animés de mouvements de... On sent que c'est assez intense pour eux, parfois, mais finalement, ce n'est pas des manifestations exubérantes telles qu'on les voit chez l'être humain, en gros. Hein. Alors, ça c'est le jouir de la vie. Hein. Chez le chat, c'est un peu plus, puisque quand même, il y a ce fameux ronronnement, quand même. Il y a quand même quelque chose d'un petit peu différent que le simple jouir de la vie. Donc, le jouir de la vie, toi, tu le places uniquement dans le règne végétal. L'espèce de béatitude de l'arbre, par exemple, tu la places où ? C'est vrai qu'il le dit un peu comme ça. Oui, il parle de l'huître aussi, il parle de... Oui. Il parle du long orgasme de la libellule, il parle de toute une série d'animaux comme ça. Oui, je te pose ces questions parce que justement, il faut qu'on dépoussière la jouissance de toutes ces connotations qui sont fausses, notamment liées à l'orgasme sexuel avec laquelle elle est confondue, quand ce n'est pas avec l'éjaculation, avec le plaisir, etc. Donc ce n'est pas du tout ça la jouissance. Hein. La jouissance, elle est du côté de l'être. Et donc, la jouissance primordiale dont parle Lacan, c'est une jouissance de type un peu béat, hein, une béatitude de l'arbre ou de la plante, qu'on retrouve aussi chez certains mystiques, donc qui va nous amener à des formes de la jouissance féminine, la différence justement entre la jouissance féminine et la jouissance, enfin, qui fait l'autre jouissance. Voilà. Donc. C'est pour ça que je te pose ces questions. Alors, si on revient sur l'animal, comment tu pourrais dire ça, alors, de l'animal, à partir du chat ? Ce qu'il dit simplement, c'est que on constate des choses comme ça, mais on ne peut rien en savoir puisqu'il n'en parle pas. Hein. Voilà. C'est comme pour la plante, c'est comme pour l'arbre, il ne parle pas, et donc on peut rien en savoir. On ne peut faire que des suppositions, je dirais, anthropomorphiques. Et c'est vrai qu'après tout, on peut parler d'une jouissance de la vie. Seulement ça va aller très loin, parce qu'effectivement, il va situer la vie, non pas du côté de l'animal, mais plutôt du côté de l'arbre, du végétal, et même du côté de la moisissure. Que la vie, elle prolifère sans arrêt, et qu'elle n'est pas du tout ce qu'on imagine, nous, par rapport à ce qu'est notre corps vivant. Bien sûr, le corps qu'on a, on peut le vivre comme vivant, mais c'est ça qu'il est en train d'interroger. C'est un aspect tout à fait fondamental qui apparaît là dans son enseignement, parce que il va s'approcher avec ça de la notion de réel, telle qu'on n'en avait jamais finalement entendu parler avant lui, d'une certaine façon, et même par lui, puisque le réel, depuis le départ de son enseignement, en dehors des premières dispositions qu'il en avait, puisque tout à fait au départ, le réel pour lui était confondu avec la réalité. Dans sa première conférence qu'il a faite en 1953, avant son discours de Rome, il situe l'imaginaire, le réel et le symbolique, mais le réel, chez lui encore, est un petit peu confondu avec la réalité. Ça va se dégager plus tard. Donc ensuite, il y a eu le réel comme ce qui revient toujours à sa place. La sphère des fixes. C'est le fameux réel qui tombe du ciel, hein, c'est-à-dire qu'on se repère à la même place, parce que les astres reviennent à la même place, sinon on serait tout le temps dans le mouvement, on n'aurait aucun repère. Et puis, il va développer la chose comme le réel, comme impossible, une impossibilité logique, et donc on se débarrasse des astres, en gros, pour tomber dans la logique et dans les discours. Ce qui permet d'ailleurs les mesures et l'apparition de tous les appareils de mesure qui existent, que ce soit les lunettes, que ce soit les compas, que ce soit toute cette série. Et le réel, il finit par être cerné par un discours, hein, le discours de la science, extrait d'un espèce de réel comme ça, primordial, si ça peut exister en gros, un réel qui est finalement un réel factice. Tout simplement parce qu'il est pris dans des représentations langagières. Voilà. Hein? Parce qu'essentiellement, on peut se tenter qu'on puisse dire essentiellement, dans ce cas de figure, le réel étant ce qui ne peut être dit, d'être pris dans la chaîne langagière, il est selon un certain protocole qui est d'être le vide qui manque dans cette chaîne langagière. C'est ça. Alors, une chose qui s'oppose avec Parce que là, il est asubstantiel. C'est ça qui est vraiment à comprendre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a pas de substance. Or, presque dans une conjonction dialectique, c'est également la pure substance jouissante de vie, hors de toute possibilité d'être recouverte par le système symbolique. Donc là, il faut avoir un esprit un peu hegelien, parce que c'est une conciliation de deux opposés, c'est-à-dire un réel purement insubstantiel, un trou, un vide, un manque dans la chaîne signifiante, la cause absente de la chaîne signifiante, et simultanément la pure substance jouissante de vie. Mais justement, c'est pas ça le mouvement de la science. Non. Hein, la science, justement, par ses formules, elle donne matière, d'ailleurs, elle parle de la matière comme étant ça, le réel. Alors qu'au fond, il suffit de suivre les évolutions des recherches scientifiques, ça change tout le temps. Alors, plus il s'approche du réel, au niveau de l'élémentaire, avec par exemple la théorie moléculaire, la physique moléculaire, corpusculaire et tout le reste, et plus au contraire ça se disperse en bout de réel, de plus en plus pulvérilant, on pourrait dire. Donc on n'accroche que des petits bouts de réel. Par exemple, l'horloge de Huygens, c'est une machine à saisir un réel du temps, hein, chronologie, avec la notion d'exactitude. Par exemple, des appareils comme ça. Par conséquent, le réel de la science, c'est pas celui que vise Lacan. Lacan va toujours soutenir qu'il y a un réel absolument en dehors de... hors symbolique, qu'il va appeler, et c'est une nouveauté, qu'il va appeler le réel pur, qui n'est pas celui de la science, parce que celui de la science, c'est déjà un réel écrit, on pourrait dire, formulé, donc calibré. Substantivé, même si c'est microscopique, il est substantivé. Oui, substantivé par des machines. On voit bien avec l'histoire du boson de Higgs, c'est-à-dire qu'on a mis beaucoup de temps à le découvrir après qu'il ait été calculé sur le plan de la théorie, donc il était calculable, et un jour une expérience a démontré qu'on pouvait l'objectiver, donc la théorie qui avait été développée antérieurement était bonne, mais maintenant il va y avoir une nouvelle étape dont on ignore les suites, mais il va forcément y avoir une fois de plus une avancée vers le... Voilà. Tandis que pour le psychanalyste, puisque on raisonne en termes de par-lettre, donc on revient au texte, comment le corps, ce sont ces mots, s'introduit-il dans l'économie de la jouissance? Voilà. C'est ça qui est la complexité. Hein? Oui. Alors, première étape dont il parle, là, avant même de situer la langue et le langage, il dit que... comme on l'observe, et d'ailleurs je vous avais envoyé un lien pour vous montrer comment se comportaient les petits nourrissons devant un miroir, pour vous faire saisir le phénomène, c'est-à-dire qu'entre 6 mois et 18 mois, l'enfant devant le miroir se dresse comme ça, regarde son image, se tourne vers la mère qui le soutient plus ou moins, donc il est encore, dirons-nous, prématuré du point de vue de la biologie, c'est-à-dire qu'il n'a pas les capacités à se motrice qu'il aura dans les semaines et les mois qui viendront. Il se dresse vers son... et il a une espèce de jubilation qui montre que c'est par là qu'il entre dans l'économie. Voilà. De la jouissance, c'est-à-dire qu'il a conscience de la chose, il anticipe la maturation future de son corps par une première accès à une sorte de jouissance jubilatoire. Voilà, alors dans l'histoire de l'art, là par exemple, j'ai fait un petit aparté, c'est toutes les vierges et l'enfant de l'histoire de l'art. C'est-à-dire que là vous avez le stade du miroir, c'est la vierge et l'enfant. C'est-à-dire l'enfant face au miroir, c'est ça, c'est représenté dans l'histoire de l'art comme ça. Donc c'est une époque antérieure, effectivement, et... Ensuite. Ensuite quoi alors? Ensuite, il y a une autre chose. Je pensais que tu allais parler du commandement de Dieu. C'est-à-dire que. Oui, alors, non, mais là, il accroche le commandement de Dieu, mais c'est déjà. Il est déjà très avancé sur ce plan-là. Parce qu'effectivement, Lacan dit, effectivement, ça le fait rigoler un petit peu, enfin, ça le fait ricaner plutôt. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, il rappelle que Freud, justement, Freud avait parlé de ça. Il avait dit, mais moi je ne peux pas obéir à ce commandement, parce que comme je sais ce que j'ai au fond de moi-même, eh ben je peux pas aimer mon prochain. Parce que il y a aussi en moi une méchanceté foncière. Et là, il y a encore une confusion. Freud, entre le prochain, il semble le plus prochain, c'est son être, l'être du sujet, alors que le miroir, c'est un mirage. Quoi. Voilà. Alors que le sujet, il est fasciné, collé à son image, il idolâtre sa propre image, alors qu'au fond, il l'éprouve sur un mode de jouissance qui est celle de son être, mais il fait une confusion. Voilà. Et il se trompe tout le temps, puisque son image, c'est pas son être. Il passe son temps à tenter de remanier son image ou à multiplier les photos qu'il met sur Facebook. Les photos de lui-même. En multipliant les angles, les scènes, en essayant de trouver celle qui lui convient le mieux, et on peut suivre ça. Mais là, on peut dire qu'il y a une dimension politique qu'il faut souligner. Là. C'est-à-dire que là, on est quand même dans la confusion du semblable avec le prochain. C'est-à-dire qu'on est hors de ce que n'arrête pas de suriner Lacan. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre monde qu'un objet petit a. Ça veut dire que chacun voit le monde par la fenêtre de son fantasme. Donc il ne peut pas avoir de concurrence. Il n'y a pas de concurrence, ça n'existe pas. Il n'y a que lorsqu'on se prend soi-même pour son image qu'on est en concurrence. Parce que, comme il le dit, l'autre vient à ma place et donc forcément je le vomis. Donc c'est parce que l'autre est devenu un concurrent uniquement par cet effet spéculaire de la confusion entre le semblable et le prochain. Donc aimer son prochain comme soi-même, c'est aimer en gros le monstre en soi, hein. C'est pas le semblable, hein, puisque le semblable, ce n'est pas possible. Dès qu'on est dans la dimension du semblable, on est dans la concurrence. Aujourd'hui, c'est que ça, hein, tout le monde est en concurrence. Maintenant, même dans les écoles d'art, ils se mettent en concurrence. C'est absurde au dernier degré, mais c'est le discours dominant capitaliste. C'est lié à la profusion des images. Là aussi, pour revenir justement au stade du miroir, vous le verrez dans les. On vous a fait des liens au début de l'année, donc vous pouvez les retrouver facilement ou les chercher sur Google. Vous verrez un enfant devant son miroir, il est à la fois fasciné par ce qu'il voit, mais de temps en temps, il tape dessus. Et alors, on a fait des expériences nouvelles en mettant des jumeaux face à face. Alors, ils s'imitent, puis de temps en temps, il y en a un qui colle un coup de poing à l'autre, l'autre qui se met à gueuler. Enfin, c'est. Il y a quelque chose qui se joue là, hein, comme ça, bon, pour montrer ce que c'est que la capture de son être dans une image. Voilà, et une image, c'est aussi une représentation. Voilà. Donc ça veut dire que c'est médié. C'est une image parlée, parce que évidemment, le stade du miroir, c'est pas simplement un rapport à l'image, parce que la mère est là pour éventuellement soutenir l'enfant en lui parlant. D'ailleurs, il se tourne, il dit mais alors c'est moi qui est là, et la mère lui dit oui, c'est toi. Enfin, elle parle avec lui, et donc c'est une image qui est parlée. Et donc le stade du miroir, c'est un montage premier du fantasme en tant que l'image est fixée par des paroles, hein. C'est un montage de l'imaginaire par le symbolique, voilà, comme un écran, comme une projection sur un écran, et évidemment qui fait, on pourrait dire, fenêtre sur le réel, parce que le réel, il s'échappe. Le réel, dans le stade du miroir, ça reste quand même la jubilation. Une manifestation du réel ressentie par l'enfant, c'est ça, c'est une forme de jouissance excessive, particulière, qui va tomber, parce que effectivement, ça ne dure que de 6 mois à 18 mois. C'est un phénomène qui apparaît assez brutalement, les premiers moments du stade du miroir, et puis qui pratiquement, du jour au lendemain, sans que personne n'y prête attention, ça tombe. Il n'a plus le même intérêt pour son image. Alors pourquoi il parle Mishima, pourquoi il l'appelle Mashimi? Alors d'abord, c'est Mishima, vous savez, c'est ce grand poète japonais qu'on nous a écrivain, présenté romancier, plusieurs fois, qui a fait Harakiri. Oui, oui, c'est fait. C'est un truc assez atroce d'ailleurs. La scène, et puis il se fait finalement, je crois, couper la tête par quelqu'un qui est chargé de lui couper la tête une fois qu'il s'est fait Harakiri. Mais Lacan, il le traite un petit peu comme un psychotique. Hein. Voilà. Il a dit que c'est un psychotique. Quoi. C'est-à-dire que le témoignage qu'il a d'un moment de catastrophe subjective très importante, c'est quand il voit le Saint-Sébastien couvert... Percé de flèches, c'est le fameux tableau. Et il aurait eu une extase mystique. Mmh. C'est-à-dire qu'en voyant le tableau de Saint-Sébastien, il y a donc une identification imaginaire à Saint-Sébastien, persécuté ou torturé, et lui-même, il aurait eu une éjaculation, la première de sa vie. Mmh. Donc, ce qui a frappé pour Lacan, ce qui a frappé Mishima comme souvenir du Saint-Sébastien, c'est que parce qu'il y a eu une irruption de jouissance, mmh, qui fixe les choses. Et c'est très important au point de vue de l'histoire, c'est que les souvenirs, justement, de l'enfance, les premiers souvenirs de l'enfance, sont liés à des rapports de perception et de jouissance en même temps, qui les font passer au plan de la structure, qui marquent les événements. Sinon, toute rencontre avec le réel n'a pas toujours ces effets-là dans la vie d'un sujet. Il faut vraiment que quelque chose se soit passé de l'ordre d'être affecté, comme une irruption, pas simplement d'une marque signifiante, mais une irruption de jouissance qui fait souvenir. Et que c'est cette modalité de jouissance qui va être le moteur de la répétition des signifiants, la répétition étant toujours quelque chose de nouveau. C'est jamais le même qui se répète, mais disons que ce qui est cause de la jouissance, le cause de la répétition, c'est une jouissance ratée au regard de celle qui serait à l'horizon recherchée pour obtenir satisfaction. Voilà. Alors voilà ce qui est central chez lui déjà, et puis il va effectivement interroger, lui, à partir de là, toutes ces jouissances animales ou végétales, pour insister sur le fait qu'il y a une jouissance qui a une primarité dans le corps, qui est dans le corps, il n'y a de jouissance que du corps, et que dès l'intervention de la prise du langage, par la langue, si vous voulez, plutôt par la langue, le corps est colonisé par la langue, cette jouissance du corps va être dénaturée, et tout spécialement chez l'homme, chez le mâle en particulier, puisque pour lui, ça va se localiser, pour des raisons absolument énigmatiques, ça va se localiser au niveau de l'organe mâle, d'une façon privilégiée, qu'aucune théorie neurophysiologique et tout ça ne peut expliquer. Il y a une localisation particulière à ce niveau-là. Et c'est tout à fait essentiel, parce que Lacan va même en faire l'idée que c'est peut-être du fait de cette soustraction de jouissance du corps par l'intervention de la langue que le langage va apparaître. Alors là, on en profite pour lever aussi une malentendu. La jouissance phallique, c'est la jouissance du blabla. Alors c'est la jouissance de... Oui, ce qu'il appelle la jouissance du blablabla, la jouissance qu'on dit phallique en tant qu'elle a été localisée dans un organe que l'on appelle phallus, quoi. Bon, mais c'est du semblant, c'est une marque signifiante qu'on ne peut que constater, ça n'a rien à voir avec des représentations maîtrisées, c'est comme ça pour nous, et ça n'existe pas dans le règne animal d'une façon aussi prégnante que chez nous. Voilà, parce que dans un des textes, alors je ne sais plus exactement lequel, parce qu'après je vais revenir sur un truc de encore, mais là quand il raconte ce truc qui m'a toujours fait rire, c'est quand il définit l'être humain comme celui qui est capable d'éjaculer la vision d'une pantoufle, par exemple. C'est dans le mythe du névrosé ou un truc comme ça. Et, la version fétichiste. Voilà. Et donc, ça veut dire que la jouissance elle-même, elle est assignée à un signifiant. Là. Et donc, sur l'inversion dont tu parlais au départ, c'est-à-dire le signifiant interdit la jouissance et le signifiant lui-même, c'est celui qui permet la jouissance. Donc, c'est dans encore, quand on. Ben, on en a parlé, là, puisqu'il y a Nathalie, c'est justement. La dernière fois, on a un peu parlé de ça, c'est le passage du signifiant au signe, c'est-à-dire que c'est un signifiant qui est encore. C'est quand il dit il y a de l'un, parce que avant, l'un est toujours indissociable de l'autre. Et à partir de encore, d'un seul coup, donc quand il réinvestit cette notion de signe, c'est à partir du il y a de l'un. Et il y a de l'un, c'est il y a un signifiant lui-même qui ne fait pas chaîne avec les autres signifiants, parce que c'est une lettre qui s'est détachée. donc c'est pour ça qu'on va avoir l'objet petit a, et qui est imprégné de jouir, qui est encore imprégné de jouir. Donc là, on a ce rapport, justement, ce passage, la plus difficile à comprendre, donc c'est la centralité de l'objet petit a dont il n'y a aucune idée. Et cette centralité-là, c'est ce qui permet quand même d'articuler le sujet, donc la parole, le langage, à un corps. Parce que c'est ça la difficulté, c'est-à-dire... C'est le passage, ça c'est important ce que tu dis là, c'est que depuis le début de son enseignement, Lacan, et spécialement au moment où il est arrivé à Normalsup en 64, a développé sa théorie du signifiant, parce qu'au début, le sujet dans les premiers textes de Lacan, et notamment dans le premier discours de Rome de 53, le sujet c'est un sujet plein, c'est un sujet qui n'est pas divisé, et c'est un sujet qui s'avance par le biais d'une parole d'abord vide qui devient pleine, justement, à une sorte de plénitude de son être, à une sorte de réconciliation, en gros. Hein. Et donc, son premier désir, c'est finalement le désir d'être connu. Et donc, c'est pour ça que ça fait lien social, justement. Et ça, c'est la première mouture qui est relativement... trompeuse, parce que il va faire changer les perspectives dans les années qui vont suivre, et notamment vous verrez ça dans le texte qu'on a commenté plusieurs fois, c'était le grave du désir, où justement c'est là qu'il va amener sa théorie du sujet divisé, représenté par un signifiant pour un autre signifiant, qui va développer toutes ces figures logiques, en particulier pour aboutir à ce qu'il appellera les mathèmes, c'est-à-dire un sujet de pure logique qui dépend tout simplement d'une articulation signifiante qui est divisée, mais d'un sujet de pure logique. Mmh. Et puis à partir de le terme de par-lettre, je crois qu'il apparaît probablement dans le séminaire ou pire, en tout cas il est situé aussi dans encore un petit peu, et puis il va en parler à Rome, et ensuite c'est un terme qui va revenir beaucoup plus souvent, parce que le par-lettre, ça fait coïncider, bien sûr, le sujet représenté par un signifiant pour un signifiant, mais ça le fait coïncider avec un individu, donc ce que nous sommes chacun, un individu qui a un corps, donc qui jouit, un corps, une histoire, et une jouissance spécifique. Donc la notion de par-lettre, c'est ça que va petit à petit introduire Lacan dans sa théorie pour donner la prévalence, plutôt par le biais de la langue, à la dimension de la jouissance, aux dimensions de la jouissance, qu'aux dimensions de signification. C'est pour ça que dans les cures en particulier, pour l'interprétation, ça va plus du côté de jouer de l'équivoque signifiante, donc d'un carrefour de sens, plutôt que d'une explication. Alors là, peut-être tu peux parler du symptôme, de la manière dont il arrive, donc comme un réel, d'abord, dans la vie du sujet. Alors là, tu vas un peu vite, parce que je voudrais qu'on continue sur la... Avant d'arriver là, parce que de toute façon, moi, c'est pas un maniement, pour moi, très facile. Pourquoi ? Parce que on l'avait déjà développé l'autre jour. Hein. On va le revoir ici. Vous comprenez, à Rome, quand on est sur ce... C'est pour ça que moi j'insiste sur de repérer les temporalités des citations de Lacan. On ne peut pas mettre en vrac comme ça. On peut les mettre, bien sûr, mais on ne peut pas mettre en vrac des citations de Lacan qui, des fois, se contredisent ou, du moins, sont paradoxales les unes aux autres. Elles ne s'invalident pas, mais elles peuvent devenir paradoxales et rendre les choses encore plus difficiles à comprendre. C'est-à-dire qu'à Rome, il situe le symptôme ici, vous comprenez ? C'est-à-dire une intrusion du réel dans le symbolique. Vous voyez, il est là. Et il considère que l'interprétation peut arriver petit à petit à le dissoudre dans le réel. Vous voyez, ça, c'est une mouture du symptôme au niveau de ce texte-là. Alors que l'année suivante, avec les noms du père, mais surtout avec les récits 2 ans après, il va le situer ailleurs. Il va mettre plutôt que le symptôme, hein, C'est une intrusion du symbolique dans le réel, qui est ici, puisqu'il est situé au niveau du... C'est pour ça que je ne veux pas sauter trop vite sur le truc. Mais ça veut dire simplement que, alors que dans le discours de Rome, s'il situe le symptôme de ce côté-là, on pourrait considérer que la jouissance du symptôme, c'est une jouissance purement phallique, hein, c'est-à-dire purement signifiante. Mmh. Hein, ça conjoint à la fois le sens et ça conjoint une jouissance, mais une jouissance qui serait plutôt d'ordre phallique. Alors que dans cette bascule qui se produit un peu plus tard, en situant le symptôme dans le réel, il est en dehors de la jouissance phallique et il se trouve, il y a une jouissance du symptôme qui va devenir symptôme plus tard, une jouissance du symptôme qui n'est pas tout à fait celle de la jouissance phallique. Et justement, l'interprétation dans la cure, elle a pour but, enfin pour but non, elle obtient ça comme effet, c'est que à jouer des équivoques signifiants, petit à petit, on réduit cette part de ce qu'est le signifiant qui donne des significations à toucher à quelque chose qu'on ne pourra jamais interpréter, c'est que le symptôme est jouissance. C'est même une modalité de jouissance spécifique de tout sujet. Et du coup, le symptôme, ça ne devient plus une sorte d'anomalie, c'est constituant de tout sujet. Tout sujet a un symptôme. Voilà. Mais ça, c'est le reste. C'est-à-dire, hein? C'est qu'au bout de l'analyse, on arrive là. On pourrait considérer que c'est voilà. Comme ça. Voilà. Puisque tu es cela, donc tu es ce reste, ce bout de réel informe. Ça, c'est le seul support pour le sujet. Parce qu'il faut qu'il y ait un support pour le sujet. C'est le seul support pour le sujet. Ça, c'est le bout d'un analyse. Mais comme on est encore à Rome, là, on est encore dans le symptôme comme étant la manifestation du réel pour le sujet. Voilà, c'est ça. Parce que dans le... Donc le symptôme qui ne cesse pas de s'écrire. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc évidemment, c'est que la jouissance phallique devienne anomalie que la jouissance du corps. Voilà. C'est là où ici. Nous on s'est arrêté là, c'est ça. Oui. Oui. C'est là où il cite la Kundalini, donc c'est-à-dire c'est une forme de croyance orientale. C'est que l'énergie serait ramassée comme un serpent dans le bas du dos, dans la moelle, et puis ça se dresse. On voit d'ailleurs le mouvement de l'érection quand les chakras s'ouvrent, donc le sujet devient de plus en plus. Voilà. Mais ça, c'est pas forcément faux. C'est juste ça ne tient pas compte que. Il faut user du langage pour se faire ce genre de représentation. Donc ça ne peut pas être hors langage, puisque c'est le langage lui-même qui est la médiation avec cette possibilité-là, mais qui est oubliée. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait directement une jouissance du corps. Et ça, ce n'est pas possible. C'est possible, c'est pas possible, parce que la jouissance, on n'y a plus droit en tant que telle, mais... Il y a quand même quelque chose qui n'est pas faux non plus. Si on replace, cette fois, donc la jouissance féminine dans sa différence avec la jouissance masculine, notamment sur ce schéma-là. Je te laisse te débrouiller avec ça. Parce que, alors là, je fais appel à un truc un peu, une illustration pour essayer de... Je fais appel à votre expérience. Voilà, alors je fais appel à votre expérience d'abord. Et ensuite à une expérience dans, alors c'est mode de c'est repéré par Adorno dans les années je sais plus quoi 50 quelque chose comme ça, où un enregistrement l'enregistrement de la voix d'un homme par rapport à l'enregistrement de la voix d'une femme n'a pas le même effet sur notre capacité de représentation. En gros c'est on va retrouver ça dans le film Charlie Chaplin, le dictateur, quand on entend la voix d'Hitler, là, enfin du dictateur, l'effet que ça a sur les foules, etc. Et on retrouve ça dans le film de Rossellini qui s'appelle Roma città aperta, Rome ville ouverte, où le jeune héros va essayer de vendre un disque dans lequel il y a un discours d'Hitler. Et en fait, la voix elle-même masculine, comme ça, elle est coupée elle existe en soi, dans ses effets immédiats, indépendamment de tout corps qui la supporte. C'est-à-dire que c'est que l'homme est complètement castré, en fait. Il n'y a rien qui échappe à la jouissance phallique pour l'homme. Par contre, la femme, elle-même, un enregistrement d'une voix féminine, pousse à imaginer le corps de la femme qui est en train de parler, ou de chanter, ou je ne sais quoi. C'est-à-dire que la voix d'une femme, elle est difficilement dissociable de l'imagination de son corps. Parce que c'est là où on retrouve aussi la dimension hystérique du sujet, c'est-à-dire que le sujet en soi est féminin, puisque la femme, elle, n'étant pas entièrement soumise, toute soumise à la castration, donc à la jouissance phallique, elle est toujours en process, en train de se désincarner. Mais ça ne se finit jamais. Tandis que l'homme, lui, il est directement déjà désincarné. C'est pour ça que nous aurions une voix qui mue radicalement, alors que pour les femmes, ce n'est pas le même process. Donc, il y a une différence entre la jouissance masculine et la jouissance féminine. La jouissance masculine est intégralement phallique. Et la jouissance féminine, il y a une part qui échappe. Alors cette part-là, donc, c'est là où les... Donc si on considère que J.A., donc, c'est la jouissance du corps, comme on l'a vu tout à l'heure, le fait qu'ils disent... Alors... Tu te souviens ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune jouissance... Ah voilà, c'est ici. L'étrange est ce lien qui fait qu'une jouissance, quelle qu'elle soit, le suppose cet objet, et qu'ainsi le plus de jouir, puisque c'est ainsi que j'ai cru pouvoir désigner sa place, soit au regard d'aucune jouissance sa condition. Donc ça veut dire... C'est important parce que, justement, c'est pour ça que la référence aux animaux est importante. C'est-à-dire qu'il situe une jouissance dans le corps animal, hein, mais que nous, notre corps, on en a plus du tout une appréhension animale. On a beau dire que notre corps, dans sa présence animale, on utilise des formules comme ça, nous, notre jouissance d'emblée, du fait que nous sommes des êtres parlants, des êtres de langage, d'emblée, elle est dénaturée. Elle est parasitée parce que le langage est un parasitisme corporel chez l'homme. Donc il n'a jamais. C'est intéressant de voir que la jouissance humaine, elle est parlante. Alors que chez l'animal, on a beau pouvoir constater des signes de sa jouissance, on ne peut pas l'affirmer, on ne peut pas savoir. Il a il parle d'ailleurs d'un exemple. Il dit que si les animaux, par exemple, passent leur temps à manger, c'est pour pas jouir de la faim. Alors que nous, on sait ce que c'est que la jouissance de la faim. C'est pas très agréable d'ailleurs. C'est un mode de jouissance, la faim. Vous voyez, par exemple, l'animal, il mange tout le temps pour pas jouir de la faim. Ça veut pas dire qu'il souffre pas de la faim parce que de temps en temps, il a rien à bouffer. Cette référence au corps animal, c'est pour nous montrer et pour nous dire qu'au fond, la jouissance, c'est un réel dont on ne sait pas grand-chose. Sauf que chez les parlettes que nous sommes, comme nous en parlons, et que quand nous parlons, il y a une certaine jouissance à parler, et comme tu viens de l'exemplifier à propos de la voix, il y a un certain plaisir à parler et à entendre parler, à ce moment-là, on sait bien qu'on aborde la jouissance par un certain biais. Hein. Je crois que c'est comme ça que tu voulais la situer. Hein. Oui. Donc, il n'y a pas de jouissance qui ne se situe pas par rapport à l'objet voilà. Petit a. Voilà, de toute façon, il n'y en a pas. Donc, c'est le seul noyau élaborable de la jouissance. Voilà. Donc, l'objet petit a, ça désigne une jouissance. Voilà. Comme perdu en plus. Bien sûr. Mais c'est au moins une lettre qui permet de la situer d'un point de vue logique. C'est pour ça d'ailleurs que Lacan va développer sur l'objet petit a des définitions différentes. C'est d'abord, j'en ai parlé ici, un objet de contingence corporelle, la voix, le regard, la mamelle et le cibale, la merde quoi en gros, et que ça va prendre une consistance logique. C'est dans la logique qu'on l'attrape. Alors la logique, pour la comprendre, c'est c'est l'impossibilité que nous avons chacun en tant que sujet de nous retrouver nous-mêmes comme objet dans le monde des objets. Donc il y a une trace là, il y a cette impossibilité là, c'est une impossibilité logique, elle a une trace. Cette trace là par exemple, c'est la tâche aveugle dans le tableau, c'est ça du point de vue de l'objet regard, c'est là où je ne suis pas, même pas en tant qu'objet. C'est ça l'objet putain. C'est à la fois très facile et très difficile à comprendre parce que il faut pouvoir en faire l'expérimentation. Dans les arts visuels, on en fait l'expérimentation. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui me regarde, mais qui est mort, absent, mais qui me regarde cependant. C'est là où je ne peux pas. Vous voyez que c'est une modalité logique. On a parlé déjà du cadre avec. Fenêtre sur cour, hein, rear window, pour expliciter ça. Donc, parce qu'il y a un cran de plus. On a vu que l'autre fois, il y avait la magnifique Grace Kelly n'était pas vue par lui, parce que comme elle n'est pas entrée encore dans la fenêtre de son fantasme, elle commence à devenir visible là. Mais là où vraiment, quand l'objet regard devient traumatique, c'est-à-dire que c'est se rendre compte que dans la logique, il y a un lieu dans le monde qui logiquement marque mon absence. Ce qu'il est en train de dire là, en gros, c'est que on ne peut pas se saisir dans notre être. Voilà. On peut jamais. Quand les gens disent qu'est-ce que je suis, quand est-ce que je vais être moi, des choses. On ne peut pas se saisir dans notre être. On ne peut se saisir que dans ce qu'on a. Par exemple, on ne peut pas s'identifier à notre corps. On ne peut pas dire je suis un corps. Hein. J'ai un corps. Qui ne veut pas dire que, chez les biologistes en particulier, ils essayent de nous ramener à être un corps. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est une pente majeure chez les recherches biologiques. Donc, ce que j'ai, je le repère que lorsque je l'ai perdu, en gros. C'est-à-dire que je sais que je manque de quelque chose, mais au moins j'ai un corps. Même s'il m'échappe, je l'ai. Je l'ai ce corps, mais je ne le suis pas. Voilà. On est de l'être à l'avoir. Je ne peux pas l'être. Voilà. C'est ce qui échappe toujours. Hein. C'est ça. Hein. Par contre, mais c'est là où on est dans la logique. Notre être, on l'attrape par le. C'est pour ça que Lacan le situe là. On l'attrape par le biais de ce qu'on éprouve comme jouissance du corps, de jouissance. C'est quelque chose de l'être, manifestation de l'être. Il situe l'être de ce côté-là. Et c'est très important parce que il n'y a de jouissance pour nous que du corps. Les morts ne jouissent pas. Voilà. Par exemple. On n'en est pas sûr, pour certaines religions, puisqu'il y a de la réincarnation chez certains, et Dieu sait si ça les fait souffrir d'ailleurs. Hein. Les gens qui pensent à la réincarnation, ils espèrent qu'ils ne vont pas se réincarner, vu la vie qu'ils ont eue. Pour la plupart des gens, ils n'ont pas envie que ça se réincarne. Ils voudraient que le cycle des... Et pourtant, je crois qu'ils sont condamnés soit à 9, 10 réincarnations avant d'être débarrassés définitivement. Ouais. Alors quand le type au fin fond des Indes vit dans la misère la plus totale et qui dort sur les trottoirs de Calcutta et qu'il a à manger tous les 3 jours, j'ai mieux vous dire qu'il n'a pas envie que ça se passe 9 fois de suite. Chaque fois de pire en pire, bien sûr. Ouais. Puis pas question de se suicider. Bon, voilà, des choses comme ça qui sont saisir. Voilà. Voilà. Et donc la jouissance féminine, on la poserait vers ici, c'est-à-dire un coin d'intersection à l'objet petit a, et non pas, ça ne veut pas dire une jouissance féminine, ça ne veut pas dire que les femmes, elles ont un accès direct à une espèce de plénitude de l'être absolu, etc. C'est pas ça, ça aussi c'est toujours très mal interprété. Ça veut dire qu'elle n'est pas toute phallique. Mais pas toute phallique, ça veut dire justement parce qu'elle n'est pas entièrement castrée. C'est-à-dire que c'est toujours un process en cours de castration parce qu'elle est la promesse du sujet. C'est par la femme que vient le sujet. C'est le sujet est féminin, puisqu'il faut que ce discours-là qui dit, cette question-là qui dise « qui es-tu » ou « qui suis-je » pour que tu me dises « toi, qui je suis », ça ne peut venir que de ce côté-là. Donc c'est ne pas être tout. Donc on sort justement, d'ailleurs, puisque tu parlais de la science tout à l'heure, la science évacue évidemment toute problématique de la jouissance féminine, et puis elle est effectivement du côté du problématique de jouissance, puisque toutes les manifestations de jouissance, on en parle comme addiction. Oui. Et les addictions à l'ordinateur, addiction aux substances faites pour ça, c'est dommage de ne pas pouvoir les utiliser de temps en temps, de bonne qualité, plutôt que d'être interdites absolument, après tout. Hein. Pourquoi on nous vend des saloperies alors qu'on pourrait avoir des choses, des substances tout à fait bien aménagées pour de temps en temps planer un peu. Bon, cela dit, il ne s'agit pas de trop insister là-dessus, mais c'est ça que ça veut dire. C'est que, évidemment, la science devant la jouissance, le corps a beau être une substance jouissante, parce que c'est ça le truc fondamental, notre corps, c'est une substance jouissante. Et que le signifiant, justement, de participer à la jouissance corporelle, parce qu'elle l'anime, comme on dit, et elle la civilise, eh bien, lui aussi participe quelque part de cette notion de substance jouissante. Tout à fait fondamental, ça. Mmh. Et pour différencier encore peut-être la jouissance masculine de la jouissance féminine dans la partition donc du choix forcé, donc entre le sujet, la pensée, et l'être, la jouissance. On peut dire que l'homme, lui, c'est celui qui choisit l'être. Mais comme l'être, on n'y accède pas. Donc, son choix se transforme dans le fait qu'il fait être son sujet, il le substantifie, comme si c'était un moi. Donc les hommes sont toujours dans le moi-je, il faut vraiment qu'ils soient hyper reconnus, etc. Donc là, on a le choix forcé du côté masculin. Le choix forcé du côté féminin, c'est que la femme, elle choisit la pensée. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Elle choisit le sujet. Et c'est pour ça que l'autre fois, je vous ai dit l'image avec Sigourney Weaver avec Alien, là, cette image que j'ai postée, parce qu'on a là la femme qui se détourne, qui détourne son regard de la substance jouissante pure de vie, vibrionnante du alien, elle tourne les yeux. Et elle est le sujet, parce qu'elle choisit le sujet. Donc du coup, il n'y a plus de prédicat à ce sujet, puisque c'est un sujet pur. Donc c'est un sujet sans prédicat. Donc elle se retrouve forcément avec un déficit ontologique, un besoin de toute la parade, tout ça, ça vient de là. Et l'écart entre les deux, c'est sur ce choix forcé. On se choisit. Alors il y a une conférence là que j'ai vue, parce que j'ai écrit encore un petit truc contre cette espèce de gabegie de gender théorie qui est une pure bêtise, quoi. Et heureusement, il y a quelques psychanalystes qui savent encore lire, ça fait quand même plaisir. Donc Winter notamment qui fait une petite conférence là sur imaginaire symbolique et réel de la différence sexuelle. Et quand le discours dominant du tout est génétique, tout est scientifique, c'est qu'on est sur le 1. Donc on est ramené à être un corps. Donc après, le coinçage absolu, c'est quand on est dans cette affreuse logique binaire. Donc, et lui, il dit, il faut apprendre à compter jusqu'à 3. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui savent compter jusqu'à 3 en ce qu'on compte. Hein. C'est toujours, aujourd'hui, vous prenez une position, vous êtes de droite, vous êtes de gauche. Ça ne veut plus rien dire depuis très longtemps, gauche ou droite aujourd'hui, puisque les plus grands serviteurs du capitalisme en ce moment, ce sont des gens prétendument de gauche. Hein. C'est eux qui font passer tous les trucs les plus abominables. Donc ça n'a plus aucun sens. Mais sortir de la logique binaire, ça c'est très difficile. C'est-à-dire apprendre à compter jusqu'à 3, c'est apprendre à compter imaginaire symbolique réel, donc rentrer dans la structure véritable. Oui. Non mais j'éteins mon téléphone parce que j'ai peur d'être dérangé. Oui. La police. On va peut-être prendre un petit peu les choses autrement, si, parce que puisque justement on parle du corps comme substance jouissante et que c'est quand même ça ce qui est central. Chez Lacan, qu'il le revendique depuis 68, en gros, c'est qu'il dit que c'est la part, on peut considérer que c'est sa part la plus importante au freudisme. Qu'il a inventé l'objet ptita comme noyau élaborable de la jouissance, c'est déjà énorme, mais qu'il a ouvert ce qu'il appelle le champ de la jouissance, dont il dit qu'il voudrait que ce soit le champ lacanien. Champ lacanien, ce qui serait le champ de la jouissance, dont il dit en plus de ça qu'il est à peine entré dedans. Donc on ne trouvera pas la solution des modalités de jouissance différentes chez Lacan. Il considère que, et moi je le pense comme ça un peu, on n'est pas au bout du truc. On a quelques petits repères écrits, hein, mais de là le toucher, le savoir, c'est pas sûr. Pourquoi c'est pas sûr? Tout simplement parce que la question qui est posée est la suivante, on l'a un peu évoqué ici, c'est que La science, par exemple, elle essaye, disons, d'introduire un savoir dans le réel. Hein? Voilà ce qu'elle fait. Bon. Newton y trouve une loi, celle de la gravitation, et bien entendu, ça bouleverse son monde à l'époque. On voit que c'est un bout de savoir de comment pourraient fonctionner les astres, après tout. Hein, comment ça pourrait fonctionner. Évidemment, ce n'est qu'un bout de savoir. Parce que ce savoir-là, il passe de plus en plus dans le réel. Et ce que les savants appellent le réel, c'est de plus en plus leur propre discours. Et c'est un discours que Lacan considère comme futile, non pas parce qu'il dit que ça sert à rien, c'est pas tout à fait ça, c'est que ça fuit tout le temps. Ça. Il utilise le terme de futile en termes de ça fuit. Ça fuit tout le temps parce que ça change tout le temps. Dès qu'on fait une nouvelle découverte, on déplace les coordonnées suivantes. Alors voilà une façon de poser la question de y a-t-il un savoir dans le réel ? Parce qu'on est bien obligé de penser que si ça fonctionne comme ça, c'est qu'il doit y avoir un savoir qui nous est accessible. Ce savoir-là, la science se substitue à ce qui serait le savoir de la nature, bien sûr, ce qu'on pourrait appeler la nature, et il situe ses formules. La psychanalyse, Lacan pose la question de savoir si la psychanalyse ne peut que faire le constat de ce qui est, ou si elle est capable, elle aussi, d'inventer, de loger un savoir dans le réel. Alors vous allez tout de suite comprendre la chose, c'est que de toute façon, la psychanalyse ne va pas loger son savoir à la même place que la science loge le sien dans le réel. Hein. Le réel des astres, on peut dire que ça existe, le réel de la gravitation, tout ça, ça existe. Par contre, le savoir de la psychanalyse est autre chose. Alors comment on peut s'y introduire ? Dans le réel, il y a d'une part par la voie de la jouissance, parce que jouir du réel n'est jamais sans le réel de la jouissance, déjà, ce qui n'est pas facile à séparer, mais c'est déjà ça. Et puis il y a aussi, alors moi je le vois comme ça, si on regarde ce qu'est l'amour courtois en particulier, on s'aperçoit que finalement on ne parle que du troubadour en gros. Parce que c'est lui qui fait des tropes, qui écrit des poèmes et qui jouit de la poésie, en gros. C'est lui qui le fait vraiment, qui le récite en public et tout. Parce que la dame de l'amour courtois, en gros, c'est l'autre autrifié, je pourrais dire. La chose, on ne lui demande rien, c'est la chose impitoyable. Bon. Alors voilà. Tandis que avec la psychanalyse, il y a quelque chose de nouveau, parce que quand même, il faut bien dire que Lacan, il est psychanalyste, après Freud, mais il est quand même psychanalyste. Et pourquoi il a pu nommer quelque chose qui n'a jamais été nommé avant lui comme ça ? Parler de jouissance féminine, c'est énorme quand même de dire ça, puisque de l'annoncer comme quelque chose de nouveau et de différent. C'est que les femmes, elles sont allées en analyse, et que les femmes, elles introduisent le savoir dans le réel de plusieurs façons. Elles l'introduisent tout spécialement par la voie de l'amour. Et d'un amour qui n'est pas, contrairement à ce qu'on s'imagine, l'amour narcissique. Parce que si on s'aime que dans son image, ben on tourne en rond. Elle a un amour qui s'adresse au sujet. Oui. Au sujet supposé savoir. Bon, c'est une supposition de savoir, mais par le biais de cet amour du sujet, elle introduit quelque chose d'un savoir dans le réel, même s'il n'est pas encore complètement élaboré. Et qu'est-ce qu'il y a comme forme de savoir qu'introduit la psychanalyse dans le réel ? Je vais vous en donner un exemple, c'est dans la psychose. Les signifiants qui n'ont pas été symbolisés repassent dans le réel. Et les mots, comme on le dit chez les psychotiques, ce sont des mots qui sont traités comme des choses. Ils ont une existence, les hallucinations, toutes ces choses-là, qui sont bien entendu entachées de manifestations de jouissance et d'affect pour le corps. Alors, vous voyez, c'est des voies d'exploration qui ne sont pas tellement développé que ça, c'est-à-dire que Lacan se disait, après tout, est-ce qu'on a été foutu d'inventer un nouveau savoir dans le réel, dans la psychanalyse ? Il en est, lui dit, il n'en est pas sûr. Il a donné des voies d'accès, c'est pas sûr qu'on les ait encore bien cernées, ces choses-là. Hein. Ça me paraît important de situer les choses de ce côté-là. Mais quand même, c'est un truc justement qui est nié en ce moment avec la gender theory et toutes ces conneries, oui, oui. C'est quand même que la différence sexuelle, elle est du réel. Ça veut dire que ils ne sont pas complémentaires, l'homme et la femme. Ils sont tous les deux un exemplaire du ratage du tout qu'ils représentent, du tout de l'humanité. Ils ratent chacun de leur manière, mais leur manière de l'homme et la manière de la femme ne sont pas justement substituables l'une à l'autre. Il y a deux manières de rater, c'est celle de l'homme et celle de la femme. Et ça, c'est du réel, c'est-à-dire qu'il y a un écart. Et le réel, là, il est justement non substantiel. C'est-à-dire que c'est de l'ordre de quelque chose qui ne peut pas être comblé. Il y a un trou, il y a un écart entre les deux. C'est ou l'un ou l'autre. Alors après, la confusion, c'est qu'ils confondent ça avec le genre, tout ça. Bien sûr que l'anatomie peut très bien ne pas correspondre au genre. Mais ça, c'est un autre problème. Ça, c'est depuis très longtemps. Il y a toujours eu des arrangements. C'est aujourd'hui de vouloir faire, de nier ce savoir-là, qui est un savoir de la psychanalyse. C'est-à-dire que pour la philosophie, jusqu'à Foucault, l'herméneutique du sujet, le sujet existe, et la dimension du sexe, c'est une dimension empirique, contingente au sujet, qui est là, fondée, tandis que pour la psychanalyse, pas du tout. C'est-à-dire que la sexuation, donc le choix forcé, l'origine même, c'est d'être ou l'un ou l'autre qui amène la possibilité du sujet. C'est-à-dire que c'est la condition de possibilité du sujet. Donc on n'est pas du tout dans le même domaine. Donc c'est de ces confusions langagières qui sont des confusions logiques, parce que la logique, c'est autre chose. Hein. Et la logique, elle a été déjà établie par Aristote, et elle a été révolutionnée par Hegel. Quand on veut parler de logique, il faut savoir hein, au moins que Hegel a réintroduit le temps dans la logique. Voilà, c'est ça, justement, qui permet à Lacan d'avancer comme ça. Parce qu'il y a un temps dans la logique. C'est pour Hegel, par exemple, A égale A, c'est une contradiction absolue. Alors que pour la logique formelle, c'est, ben oui, A égale A. Mais non, ça c'est imaginaire. Dans la dimension purement logique, quand je dis Dieu est, si je dis Dieu juste après, Dieu est Dieu, je crée une frustration parce que on attend un prédicat, quelque chose qui va définir Dieu. Donc, il y a un temps dans la logique. On ne peut pas résumer Dieu égale Dieu, A égale A. C'est-à-dire ça, on est sur des logiques qui n'en sont pas, parce qu'il n'y a pas de temps. Alors que nous sommes tissés de cette temporalité. Le sujet est un sujet historique. Donc la réintroduction de la temporalité logique chez Hegel, qui va amener après le caractère rétroactif du signifiant, comme on l'a vu, c'est-à-dire comment on replace le traumatisme, le réel, etc. Ça, c'est justement qui fait de Lacan, il dit je suis logicien, je ne cherche pas à faire original. C'est logique, c'est-à-dire que c'est inattaquable du point de vue de la logique, ce que pas grand monde veut reconnaître, parce que bien sûr, tout le monde s'imagine très fort en logique. Imaginez bien, c'est n'importe qui en logique, oh, c'est pas un problème. Mais Lacan, c'est hyper logique. Et c'est pour ça que son enseignement, en fait, suit aussi des strates logiques. Il y a des retournements, parce que la logique, c'est justement cette espèce de petite blague là que j'aime bien sur le rapport entre faire l'amour et la migraine. Tu sais, on voit que la logique, ça va changer. Chaque fois, on inverse les termes. C'est des mouvements logiques. Comme tout à l'heure, je vous ai parlé du sujet. Oui, je veux que ce truc-là. Oui, pour pas faire de migraine, il faut faire l'amour, c'est ça? Oui. C'est-à-dire que le premier temps logique. C'était une blague quand même. Mais c'est une blague, mais c'est pour comprendre la logique avec une blague. Le truc de base, c'est la femme qui dit pas ce soir, chérie, j'ai la migraine. Après, logiquement. Il y a une évolution, c'est un autre temps. Cette fois, c'est l'homme qui dit ça. Parce qu'il y a eu la libération féminine entre-temps. Hein. La femme, et l'homme, il dit, pas ce soir, chérie, j'ai la migraine. Donc il y a une inversion de la logique. Le troisième temps d'inversion de la logique, donc, alors c'est quoi? J'en parle, tu vas le dire toi-même, toi. Alors, est-ce que vous avez vu? J'ai faisons l'amour, j'ai la migraine. Voilà, c'est-à-dire qu'on inverse, cette fois, c'est-à-dire l'argument contre devient l'argument pour. Tu vois, ça c'est de la logique. C'est-à-dire que là on est dans le temps logique, on n'est pas dans des trucs empiriques. C'est ça la logique. La logique c'est cette manière de pouvoir jouer des permutations Et donc, bon, après, pour rire, donc Žižek dit aujourd'hui, il faudrait ajouter un troisième temps qui s'intercale entre les deux, où les deux s'arrangent, disant bon, on a tous les deux la migraine, comme ça, on en profite pour aller surfer sur Internet. Donc, la logique, c'est, pour comprendre aussi l'objet petit a, sa modalité logique, c'est le sujet ne peut pas se retrouver lui-même dans le monde des objets. C'est ça le sens de S barré, poinçon A. C'est de la logique. Voilà. Lacan, c'est logique. Alors, moi, je veux dire, où je bute en ce moment, et j'ai du mal à avancer par rapport à tout ça, c'est que j'ai beaucoup de difficultés à comprendre cette notion de la langue écrite en un seul mot. Ça a l'air de rien, mais la langue qui vient de la lalation comme ça, et qui présuppose, et qui même est probablement certaine, pour notre corps a une affinité particulière au langage, particulière, et qui se transmet de génération en génération, puisque ça n'existe pas chez les animaux, et que depuis qu'elles existent, on n'a jamais pu créer d'autres espèces animales domestiques que celles que nous connaissons. Il n'y en a pas. On apprivoise quelques animaux, mais on ne les rend pas domestiques. Ceux qui vont caresser des lions, maintenant sur Facebook, on a des vidéos où un type il prend des lions énormes dans ses bras, il les caresse comme un chat et tout. On peut imaginer la préparation que ça représente pour pouvoir arriver à ça. La notion de la langue, donc, c'est que c'est premier et que de toute façon, elle est déjà là avant notre naissance et elle sera là après notre mort. C'est donc quelque chose qui n'est pas qui est hors réel et qui surdétermine tout ce qui va nous arriver dans l'existence, puisque cette langue là va nous coloniser notre corps, parasiter notre jouissance et l'organiser pour la socialiser, ce qu'il appelle Lacan l'apprivoiser, c'est-à-dire produire à travers les objets petits a quelque chose qui serait des possibilités d'échange entre les humains. Or ça, la langue, elle est faite donc de signifiants dans le réel, ou de l'être d'ailleurs éventuellement. Elle peut d'ailleurs raviner le réel, ça fait ravinement, ça fait écriture. Ce n'est pas une structure. Donc on peut se demander si chez Lacan, l'introduction de cette notion de la langue n'est pas en train de définitivement dissoudre sa propre notion de structure. Hein? Parce que le nœud borroméen, c'est très, très intéressant à manier, puisque on fait des coupures, on peut faire des raboutages, on peut corriger des défauts du nœud pour que le nœud tienne, mais ça met en question la notion de structure. Et Lacan dit quelque part qu'il n'y a pas de langage, ça n'existe pas le langage, et qu'on le sait depuis toujours qu'il n'y a pas de langage. Il y a des langues qu'il faut distinguer de la langue, parce que la langue, c'est ce qu'il appelle la langue maternelle originaire, celle qui part de la lalation de l'enfant et qui, par le biais du corps à corps avec sa mère, apprend à faire des séquences, apprend à faire des coupures pour que ça devienne des mots et que ça devienne, avant même sa configuration lexicographique et grammaticale, c'est une manifestation de jouissance. Hein? C'est-à-dire que pour Lacan, effectivement, la parole est première, évidemment, et ce n'est plus du tout ni pour communiquer, bien entendu, depuis très longtemps, il pense que ce n'est pas fait pour communiquer, parce que ça, c'est des trucs de langage, le communiquer, c'est-à-dire d'une organisation de discours qui fait qu'on communique, comme avec l'ordinateur. Une élucubration. Oui, une élucubration, oui, mais Lacan, il dit il n'utilise pas ce terme de façon péjorative. Bien sûr. Il dit qu'on ne peut pas faire autrement que d'élucubrer, de faire des suppositions, faire des hypothèses. Donc, parce que j'en étais, tu m'as coupé un peu la parole. Bon, la parole, elle est pas pour communiquer, elle n'est pas pour se faire reconnaître, elle est d'abord pour jouir. On parle pour jouir. Et il a une phrase d'ailleurs très belle, il dit que la psychanalyse, c'est ce qui permet de retrouver dans le parler ce qu'il faut de jouissance pour que l'histoire continue, donc pour nous tous, la dimension de la parole. Alors, cette histoire de ravinement, comme ça, c'est quand même une écriture par ravinement. Moi, ravinement du corps, par la langue. C'est-à-dire que notre corps, il est colonisé. La langue enfouit ses racines le plus profondément possible dans le corps, anime sa jouissance. Cette espèce de d'écriture, c'est, pour moi, c'est quand même un truc. Ça peut se déposer en lettres, mais c'est quand même un truc que j'ai du mal à manier, hein, cette affaire-là. Hein. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire, cette histoire de. Est-ce que la parole, il faudrait qu'elle ressurgisse dans l'humanité, avec en même temps, comme disait Lacan, un refleurissement de l'amour, et toutes ces séries de perspectives qu'il brosse, je ne sais pas, mais c'est des questions pour lesquelles je m'interroge là-dessus. Voilà. Hein? Est-ce que, évidemment, on publie beaucoup, vous savez que les psychanalystes publient beaucoup, mais ils publient tellement que c'est plus du ravinement, hein? c'est carrément des ravins. Quoi, ouais, c'est, hein? L'abrasement de la littérature. Il y a une telle érosion, de la jouissance, qu'il n'y a plus de jouissance. Ouais. Hein? Sinon, d'ailleurs, c'est très rare. Sinon, la jouissance programmée, ouais. qui n'est plus ce que Lacan appelle, effectivement, jouir d'un pur réel. Parce que voilà, à la fin, Lacan, il parle d'un pur réel. Mais pas du tout du réel de la science et pas du réel de la religion qui sont pris dans des représentations langagières et qui sont donc de l'ordre du mensonge, de l'erreur et même de l'escroquerie. Il va même le dire d'une certaine façon pour ce qui concerne la psychanalyse, d'un pur réel, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas il le pose comme ça. Voilà, moi pour aujourd'hui j'ai envie de rester là, bon. Avec mes questions. Avec vos nombreuses questions. Enfin, nombreuses questions. Beaucoup de questions. Vas-y. C'est un commentaire, mais justement, est-ce que c'est pas assez ironique et drôle de voir que les neurosciences, lorsque le réel pur s'impose à elles en reviennent à Freud, ou en tout cas elles viennent à revalider certaines hypothèses de Freud. C'est purement commercial. Aucun Oui, mais il faut faire très attention, parce que si on regarde de près, moi je vois des auteurs, ils pensent qu'il y a un biologisme chez Freud. Hein? Et moi je ne le pense pas du tout. C'est-à-dire que le retour au biologique, comme l'entendent les neurosciences, ça les arrangerait bien, parce que ça va leur permettre de réintégrer toutes les problématiques discursives que soulève la psychanalyse, tous les discours de l'amour, toutes ces choses-là, ils vont en faire du biologique. C'est vrai que Freud, à un moment donné, dit que l'amour, ça vient peut-être de la faim. Hein. On parle, dit, on aime quelqu'un comme on dit, on aime le ragoût de mouton, il le dit, là, quand ça, comme ça. Pour rappeler que, quelque part, l'amour, ça peut venir du ventre, d'une certaine façon, mais que, quand même, c'est dénaturé par... son organisation langagière. Alors, le biologisme des neurosciences, c'est pas le réel. Hein? C'est pas du tout le réel. C'est pas le réel dont parle Lacan. Déjà, tout à fait antinomique. Antinomique, et à la limite. Il n'y a pas de raison qu'on soit, disons, à dialoguer avec les neuroscientifiques comme beaucoup de gens voudraient qu'on commence à dialoguer. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait de plus en plus la guerre entre la psychanalyse et les neurosciences pour pousser les choses, pour voir jusqu'où chacun va aller par rapport à l'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va être avancé de plus par rapport à ces disciplines-là. Moi, je ne pense pas que les neurosciences... Quand Lacan dit qu'il n'y a pas de rapport sexuel, ça veut dire qu'il n'y a pas de représentation possible du réel. Nulle part, à jamais. Hein? Donc ces neurosciences nous réduisent à ça. Quant à la jouissance, ils n'en parlent même pas encore. Ils ne peuvent pas en parler. Hein? Ils ne parlent pas du sujet, ils parlent de l'individu, mais d'un individu réduit à son unité corporelle. Alors évidemment, ils trouvent des affects, ils trouvent des choses comme ça, qui sont d'ailleurs... aussi énigmatique pour eux que pour nous, mais nous au moins on dit que c'est énigmatique, eux ils disent qu'ils vont trouver la solution par des formules. C'est du business, c'est juste une très grosse machine à business et à reconnaissance. Alors, pour des gens qui sont très mauvais psychanalystes, ils sont en même temps là-dedans. Quoi. Donc, le schéma de l'esquisse, Lacan l'a bien étudié de très très près, ce n'est pas un schéma biologique, parce que Freud dit... D'abord, c'est un inventeur de la synapse. Il savait ce que ça voulait dire, le neurone. C'est un schéma logique. Pas du tout un schéma... Les oméga, alpha, les phi, tous ces trucs-là, c'est des constructions logiques chez Freud. Et le biologisant, chez lui, il apparaîtrait avec pulsion de vie, pulsion de mort. Mais rien que le fait d'avoir nommé pulsion de vie, pulsion de mort, pour lui, la pulsion, c'est pas un être phénoménologiquement observable. C'est-à-dire que ça veut dire chez lui qu'il dit que c'est des êtres de mythe. Alors quand il utilise, en dehors de ces fameuses pulsions habituelles, le terme de pulsion, pour parler de la pulsion de vie, pulsion de mort, c'est des constructions théoriques qui n'ont rien à voir avec le biologique. D'abord pourquoi ? Parce que la vie, elle ne veut pas mourir. Donc il n'y a pas de pulsion de vie. Il y a des pulsations peut-être de la vie, mais il n'y a pas de pulsion de vie. Et puis il n'y a pas de pulsion de mort. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des pulsions de mort. La pulsion de mort, ça ne veut pas dire le désir de mort. Ce n'est pas tout à fait pareil. C'est l'inverse. La pulsion de mort chez Freud a la signification de ce que le signifiant mortifie le corps. Et que cette répétition répète la mortification de la jouissance. Et c'est pour ça que ça se répète. Que le sujet répète avec insistance pour obtenir la satisfaction d'un désir, une satisfaction d'une jouissance qui n'est jamais celle qu'il aurait voulu obtenir, voilà, pour être heureux. Et c'est une répétition tellement infinie que c'est quelque chose qui ne peut pas crever, justement. Donc ça, on vient à signifier l'inverse absolu. La pulsion de mort, c'est le mort-vivant. C'est-à-dire quelque chose qui, comme une espèce de prolifération, n'arrête pas de ne pas vouloir mourir. Donc ça, on retrouve dans les opéras de Wagner, hein, c'est le thème principal de Wagner, avec la blessure d'Amfortas dans Parsifal, ou le vaisseau fantôme, ou bien Tristan et Isolde, la blessure de Tristan et Isolde, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne veut pas mourir. Donc, parce que la logique, justement, si on parle de logique, c'est que l'écart, il ne vient pas, parce qu'on essaie de ramener la jouissance là avec comment raccorder le sujet à la jouissance, la difficulté que ça demande, la volte-face, la création de cet objet petit a qui est un objet logique, c'est parce qu'il n'y a pas d'écart entre le psychique et le corporel, c'est entre le psychique et le logique qu'il y a un écart. C'est là où il y a ce trou. Et donc ce trou-là, eh ben, il est là. C'est un trou en fait, c'est plein. Parce que c'est le problème des représentations. C'est comme de mettre trois cercles. Le réel, c'est pas vraiment un cercle, le réel. Le réel, c'est ce qui fait que c'est noué. C'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes noués entre imaginaire, symbolique et réel. Et que le réel, c'est aussi le nœud lui-même. Mais dès qu'on le représente, puisque évidemment on trahit, on n'accepte pas directement, comme avec la jouissance, c'est pareil, c'est la même chose. Donc voilà, la difficulté de savoir que ce n'est pas ça, et malgré tout, de passer par le langage, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité d'accès au réel que le langage. Mais le langage, lui, comme le symbolique colonise le réel et il laisse des Le réel, c'est ce qui n'est pas justement colonisé, c'est ce qui ne peut pas se dire. Mais c'est pas pour autant qu'il faut le nier. Donc là, quand on est dans la négation du réel, on est dans le discours capitaliste. C'est en fait, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait un discours, comme on l'a vu. Ce qui s'écrit du réel ment, comme dit Lacan. Ça ment. Est-ce que le réel ment ? Voilà la grande question. Puisque tout ce qui relève du symbolique, c'est du côté de la vérité menteuse. Voilà, hein. C'est du la semblant. Qui peut être que midi. Tandis que le réel, un réel pur, c'est une expression effectivement tout à fait problématique chez Lacan. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pur réel comme ça ? Il le renvoie aux mathématiciens en disant il y a peut-être. Lui, le réel dont il dit que le sujet est affligé, c'est le réel du symptôme, et quelque part, c'est un réel qui brûle. Hein, c'est ce qu'il a. Il dit ça comme ça, c'est une de ses formules. Alors que le réel dont il parle, ça serait un feu froid, plutôt. Et il en parle en disant peut-être que les mathématiciens sont les seuls capables à jouir de ce réel-là. Et puis, quand même, il balance quand même une petite objection en disant « Mais est-ce que les mathématiques ne seraient pas un symptôme ?» Et ça, on ne lui a pas répondu. Jamais personne ne lui a répondu. Jamais. Une fois de plus, on retrouve la dimension du symptôme et cette histoire de jouissance. Mmh. Est-ce qu'on peut jouir du réel sans être encombré, si vous voulez, du réel de la jouissance? Parce que la jouissance, ça va dans le réel, mais c'est pas le réel dont il parle. Mmh. Voilà. Mmh. Alors, vous le savez, je l'évoque uniquement aujourd'hui, parce que, ou je l'ai déjà un peu évoqué, il y a des analystes qui ont élaboré l'histoire de l'inconscient freudien, le bon inconscient freudien, supposition de savoir, qui serait l'inconscient structuré comme un langage, dont Lacan dit que la cause, c'est la langue. C'est la langue qui a des effets sur le corps, d'inscription dans le corps, et qui détermine l'existence d'un inconscient structuré comme un langage qu'on va analyser dans l'artifice du dispositif analytique. Et puis, un savoir qui serait... Est-ce qu'il y aurait un savoir dans la langue qui serait un savoir dans le réel? Alors, ceux-là, ces auteurs-là ont sorti un terme, les deux d'ailleurs, par des voies à peu près similaires, mais quelques variations que je prendrai plus tard. C'est l'histoire de... Il y a l'inconscient freudien, et puis il y a l'inconscient lacanien qui serait l'inconscient réel. N'importe quoi. Non, l'inconscient réel. Et ils l'ont substantivé dans ces termes-là. L'inconscient réel qui, lui, résiste à toute interprétation. Ça se donne comme ça. Ça n'a aucun sens. C'est comme ça, l'inconscient réel. Ils ont élaboré ces deux notions-là. Or, moi, j'ai trouvé récemment une nouvelle phrase de Lacan, parce que je cherche tout le temps pour essayer de me sortir de ce traquenard, malgré tout. C'est que il dit bien qu'il essaye, il va essayer d'aller un peu plus loin, et il l'annonce dans son séminaire, l'insu que c'est de l'une bévue, c'est l'amour. Vous voyez, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure que de l'amour, éventuellement, on peut introduire un savoir dans le réel par amour, hein, puisque ça s'adresse au sujet, pas seulement au savoir. Et le terme d'insu me paraît juste, mais je pense qu'il ne faut pas utiliser le terme d'inconscient ailleurs que dans ce que Freud et Lacan ont défini au départ. L'inconscient structuré comme un langage, c'est ça l'inconscient. Même si le terme d'inconscient n'est pas bien, nous amène à beaucoup de confusion, mais je ne vois pas pourquoi il faudrait développer des inconscients, sinon on ne s'y retrouve pas. Parce que ça devient, en plus de ça, un problème dans la cure, c'est qu'il y aurait dans la cure une progression, je dirais, chronologique, et non pas du tout structurale. On ferait d'abord l'analyse de l'inconscient structuré comme un langage, et puis quand on arrive sur l'inconscient réel, on l'exhibe, je sais pas comment, mais il paraît qu'ils arrivent avec leur objectif. Non, ils sont plus forts maintenant. Ils arrivent, ils font une conférence en disant, ben voilà, moi je suis dans l'inconscient réel, donc je ne suis plus un sujet divisé. Et alors on voit un personnage d'un hubris, on pourrait dire, absolument. Encore Lacan, il avait une façon de faire qui était drôle, lui, parce qu'il se prenait pas au sérieux quand même. De temps en temps, il disait, bon, je suis le plus costaud, mais enfin bon, il était quand même un peu plus modeste que ça. Mais eux, avec un hubris et obscène, absolument, et quand on les entend parler, on entend parler des crabes. Enfin, moi, c'était des crabes qui récitent des formules de Lacan à plus en finir. Allez regarder les vidéos qui se baladent de temps en temps sur Internet. Voilà. Tandis que le terme, qu'il y ait un insu dans la langue, on peut l'entendre, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais on peut l'entendre, ça, après tout. Puisque la langue, tous les jours, quand quelqu'un vous parle, parce que c'est surtout quand on parle, que quand on écrit, on s'aperçoit que c'est des néologismes. Mais quand on parle, on découvre des termes nouveaux. Quand vous parlez, quelqu'un vous entend. Surtout quand vous avez l'habitude d'écouter les gens parler, surtout quand vous êtes analyste, vous entendez qu'ils disent des choses. Ils disent des choses extraordinaires d'ailleurs. Des fois, ils ne savent pas qu'ils le disent. Hein, ils disent des choses tout à fait nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un savoir dans la langue, insu du sujet, mais moi, je ne l'appellerai pas l'inconscient réel, pour ne pas entraîner des confusions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au fond, quand on a affaire à des personnes qui ne sont pas en analyse, voilà, disons-le comme ça. Moi, quand je suis pas derrière mon divan, ben, les gens que je rencontre, je les écoute pas comme un analyste, je les écoute comme un interlocuteur avec eux, et je m'amuse jamais à faire des interprétations sauvages de ce qu'ils me racontent. Moi, je m'intéresse à ce qu'ils me disent, ou je m'y intéresse pas, ça dépend. Mais il y a des gens qui ont fait des moments, des publications où ils interprètent. Et ça se passe dans les services hospitaliers, ça se passe avec des étudiants en psycho, ça se passe un peu partout, où ils font des interprétations sauvages de manifestations subjectives d'infirmières, de malades, qui ne sont pas dans le contexte du transfert. Parce que le transfert, c'est un cadre dans lequel l'analyste, il est pris là-dedans, lui. Il y est partie prenante, et il ne faut pas qu'il déconne trop avec ça, parce que lui, il peut en prendre plein la gueule si jamais il n'est pas à la place qui convient de semblant, justement. Alors, tout ça, c'est des questions que je suis en train d'essayer d'éclairer, mais voilà où j'en suis, moi. Alors, est-ce que la langue, c'est la fin du freudisme ? C'est ça que je veux poser comme question. Est-ce que la psychanalyse ne va pas disparaître avec cette histoire de la langue ? Je ne sais pas. C'est pas tellement insignifiant qui a appris. Hein. C'est pas tellement insignifiant qui a appris la langue. Non, mais. Non, on n'a pas pris. Mais où on parle comme ça? On parle nulle part. Hein. Vous avez vu des endroits où on parle? Vous avez déjà regardé des institutions? Ils parlent dans les institutions? Mais non, ils lisent des textes. Ils récitent. Ils récitent, hein? Ouais. Bon. Bon, ça a duré plus longtemps que d'habitude. On s'arrête là? Non, ça dépend si vous avez encore des questions. Moi, j'étais un petit peu perplexe quand vous avez parlé de la voix, ou de la voix sur les orateurs, les dictateurs, enfin, le dictateur auquel qui a produit des effets de fascination par sa voix et auquel on ne suppose pas de. Il n'y a pas besoin de corps, oui. Voilà, alors que les divas, on les imagine tout de suite un corps, parce que je me disais, c'est quand même pas tout à fait la même chose, le chant de la diva et les considérations des dictateurs, c'est pas le même registre. Non, bien sûr, mais même ça peut être sur le même texte qu'un texte de dictateur, si on imagine vous voyez, enfin, vous entendez cette espèce de phrasé qu'il y a dans le dictateur de Chaplin. C'est-à-dire non, mais tout à fait. Imaginez une voix féminine, là. Eh bien, est-ce qu'on peut imaginer une voix féminine? J'essayais pendant ce temps-là de trouver des femmes dictatrices qui vocifèrent comme ça. Enfin, quelque chose du côté de registre féminin qui soit dans cette position de vocifération. Je trouvais. Alors, il y a les chants, il y a les sirènes, on trouve plein d'exemples, mais alors ça peut être pour des raisons sociologiques, où les femmes sont. Il y a des femmes féroces, il y a la fois la voix du surmoi qui peut être tout à fait aussi produire des effets de sidération. Enfin, j'étais en train de naviguer dans tout ça et j'étais assez embrouillée, assez perplexe. Parce que le côté les hommes, on n'imagine pas un corps quand ils font des effets de voix, les femmes, forcément si, ça me paraît un peu binaire pour le coup. Est-ce que c'est un peu réducteur? Parce que moi je pensais à certaines voix féminines confondues avec une certaine forme de pouvoir. Je pensais à Margaret Thatcher par exemple en Angleterre. Mais elle n'est pas dans la vocifération, non, Claire, c'est pas pareil. Je ne parle pas de vocifération, je rebondissais par rapport à ce que tu disais de la nécessité pour la femme de en présence ou en vision du corps de la femme. C'est vraiment comment dire, l'imagination du corps, c'est-à-dire est-ce que ça convoque l'imagination du corps ou pas ? Il y a pas, je ne vais pas apporter la preuve de ça, c'est une question de sensibilité, c'est-à-dire que une voix peut forcément, enfin, une voix masculine ne convoque pas le corps d'un homme, c'est différent du corps d'une femme dans sa l'imagination qui est suscitée. Donc quand il y a une voix, cette voix elle est accrochée. Mais c'était pour essayer d'exemplifier la notion du fait que la femme elle est sujet. C'est-à-dire qu'il y a une castration qui n'est pas intégralement, elle n'est pas toute opérer. C'est pour essayer de dire ça, et c'est cet exemple-là, c'est une expérience dont il a parlé. Mais je pense que, par exemple, dans ce qui fait la qualité de Maria Callas, par exemple, c'est justement les imperfections qu'il y a dans sa magnifique manière de chanter. Il y a des petites touches d'imperfection qui font la qualité même de ce chant-là. C'est-à-dire qu'il... C'est la notion de corps, c'est ce qui reste indépendamment de la voix. C'est pas une voix qui flotte comme ça, hors de tout corps. C'est difficile, effectivement. Mais quand on est dans le chant, déjà, tu es dans du symbolique aussi. Le chant, il y a des harmoniques, il y a un code. Si c'est un opéra, on connaît l'histoire, on la connaît pas, mais il y a plus ou moins des paroles. Il y a tout un univers, un contexte qui fait que c'est pas la même chose qu'un cri. Le chant, c'est pas la même chose que le cri ou la vocifération. Bien sûr. Donc, forcément, s'il y a du symbolique, il y a forcément du corps. Tu peux imaginer le corps que tu veux si tu entends à la radio et que tu connais pas la cantatrice. Mais c'est pas la même chose que d'entendre les vociférations d'un leader politique ou de. Je veux dire, même si on écoute Pavarotti, pour peu qu'on connaisse le bonhomme, on l'imagine aussi. Chanter. C'est pas la même chose le chant que la vocifération d'un. Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je sais pas comment dire ça. Il faut que je trouve un autre exemple. Mais c'est le fait que. Je sais pas comment dire ça. Comment la voix. C'est vraiment. C'était une manière d'illustrer la jouissance féminine comme n'étant pas toute phallique. Voilà. L'exemple que j'ai trouvé, c'est que si j'entends une voix de femme, me vient plus naturellement l'imagination du corps qu'elle pourrait avoir, même si je ne la connais pas, que une voix d'homme qui est posée là, qui sort de la radio ou je sais pas quoi. Et alors ça n'a aucun comment dire. Ça vaut en soi, c'est-à-dire c'est totalement désincarné. Corps qu'elle a ou du corps que tu voudrais qu'elle ait. Disons l'imagination. Quand tu dis désincarné, c'est-à-dire que pour la voix de l'homme ou la vocifération d'Hitler, etc., tu n'aurais pas besoin d'accès à une représentation de son corps pour pouvoir en jouir. Alors que pour la voix d'une femme, tu auras besoin de cette représentation de son corps. C'est ça que tu. Oui. D'accord. Oui. Donc c'est ça. Hein. Oui. Le corps que tu voudrais qu'elle ait. Qu'elle ait un corps, en tout cas. Oui, tu voudrais qu'elle ait un corps. Oui. C'est ça. Hein? Ben oui. Hein? Mais je pense que c'est pour ça aussi que sont les femmes qui donnent naissance, qui ont cet organe qui est le seul qui vit en suspension, à part le cerveau, donc l'utérus, qui est un organe qui vit en suspension, et que c'est de là que vient le corps. Tous les corps viennent de là. Donc c'est un rapport avec ça. Je sais pas comment dire ça, mais c'est pas égal, voilà. Ce n'est pas égal. Il y a la trace du sujet. C'est pas pour rien que Freud il découvre avec les hystériques féminines. Hein. C'est en écoutant leur dire, alors que jusqu'à lui, il y avait le médecin, il parle, les autres écoutent et la ferment. Hein. Et là, lui, il prend une position inverse, c'est-à-dire qu'il écoute ce que disent les femmes. Donc c'est une inversion justement qui est liée. Il découvre l'amour de transfert plus tard. C'est-à-dire qu'il découvre. Oui, c'est pas tout de suite. Bien sûr. C'est pour ça que je disais que une femme, elle introduit un savoir dans le réel parce qu'elle passe par le biais de l'amour. Hein. Ça vient de là. Enfin, ça ne veut pas dire que les hommes ne font pas pareil à un certain niveau, mais c'est plus du côté femme, ça. Hein. Les hommes, ils viennent à l'analyse plutôt sur le. Attention, ça va déménager, vous allez voir ce que vous allez voir, alors que les femmes, c'est pas du tout ça. Hein. Après, si. Elles fonctionnent un peu différemment. Non, mais c'est important de dire que la différence des sexes, elle est réelle, sans porter sur l'anatomie directement, mais elle est réelle parce que ce sont deux modalités de jouissance qui n'ont pas de rapport. Alors c'est difficile parce qu'il y a un retour au niveau de l'être justement, puisque malgré ça, chez l'homme, bon, elle est phallique par définition, définissant l'homme, non pas un homme, mais l'homme en tant que c'est l'homme, quoi. Hein, c'est pas comme Lacan peut l'écrire, L-O-M, quoi. En gros, c'est l'humain, l'homme, comme ça. Et du côté féminin, pas toutes, mais en même temps, elle ne peut pas faire exception elle peut pas faire exception à la castration. Il n'y a pas d'exception du côté féminin. Alors, dans les formules de la sexuation chez Lacan, il faut bien faire attention, c'est que du côté homme, c'est-à-dire il est possible que tout homme soit châtré, c'est possible, tous les hommes sont châtrés, mais il y a une exception qui dit non à la castration. Et c'est ça qui fait le symptôme, et c'est ça qui ne cesse pas de s'écrire comme symptôme. C'est pour ça qu'il y a une dimension de jouissance là. D'ailleurs, Lacan proposait d'écrire dans les formules de la sexuation, remplacer le X par le A, c'est-à-dire par une modalité de jouissance plutôt que par un signifiant. Jouissance en exception de la castration, puisqu'après tout, l'objet petit a beau être un produit de la castration, il échappe à la castration, il échappe au signifiant. C'est ça le truc. Du côté femme, les formules de la sexuation, elles ne sont pas mathématiques, elles répondent pas aux mêmes lois mathématiques, puisqu'il y a de l'indécidable et de l'indémontrable entre la contingence qu'elle puisse être sujet de la castration. Donc il y a là quelque chose de la contingence, ce qui veut dire que ça peut cesser de ne pas s'écrire, en gros, alors que du côté de l'homme, comme ils sont tous châtrés, ça peut cesser de s'écrire. Et du côté femme, il y a une impossibilité, et ça c'est indécidable et indémontrable, il est impossible pour une femme de dire non à la castration. Elle a affaire aussi à la castration. Donc Lacan, d'une façon relativement simple, signifie que la jouissance féminine, elle est duelle. Elle est d'un côté phallique, parce qu'il y a quand même l'organe phallique chez elle, même s'il n'est pas comme celui de l'homme, il existe. Et puis, il y a l'autre qui est une jouissance qui n'est pas phallique, qui est de tout le corps, qui n'est pas ce qu'on appelait autrefois la jouissance vaginale avec le point G en plus. Le point G, le centre de gravité, les conneries de ces gens, ils cherchaient le point G. Master et Johnson, ils mettaient des caméras dans le vagin des femmes et ils provoquaient des orgasmes pour essayer de filmer l'orgasme. Ils existent des mecs comme ça, c'est comme les neuroscientifiques, ils font pareil. Ils essayent d'obtenir des orgasmes et puis ils font ça, ils ont envie de connaître un peu aussi, puisqu'ils sont quand même pas plus bêtes que les autres. Enfin, ils sont pas plus bêtes, non, c'est pas sûr, mais ils sont intéressés. Sont bêtes, aussi. Si. Il dit quand même s'il y a de la jouissance, la psychanalyse, elle parle quand même beaucoup de jouissance. En tout cas, c'est lacanien, parle beaucoup de jouissance. Il doit bien exister quelque chose qu'on doit pouvoir attraper. Donc, ils aimeraient bien trouver le centre de la jouissance, parce qu'il suffirait de mettre un électrode, on aurait un bouton, puis quand on en a marre de temps en temps, on appuie sur le bouton, puis on a un quart d'heure de jouissance. Un peu plus long qu'un simple orgasme masculin, t'es d'accord avec ça? Voilà. Bon, alors, tout ça, bien sûr, c'est intéressant à développer, tout ça. Hein, c'est très intéressant. C'est vrai qu'il a une formule dont je ne me souviens plus, pour montrer comment la jouissance féminine, elle est enveloppée sur elle-même en même temps. Il y a quelque chose comme ça. Mais ça, c'est des choses que j'ai du mal à attraper. Voilà, c'est difficile d'en donner des illustrations, puisque... Justement, c'est chacun les voit de la fenêtre de son propre fantasme, et il n'y a pas un universel. Autrement dit, c'est la jouissance qui commande la marche du monde et non pas l'économie. Justement, même si on ne veut pas l'entendre, et que quand on fait la guerre, c'est pour jouir, hein, et pour piquer la jouissance de l'ennemi, hein, pour lui dérober sa jouissance, supposée. Bon, on peut rester là peut-être. Enfin, ça peut continuer sur les questions si vous voulez, mais après le fichier, j'ai un serveur. Tu as fixé la date du prochain? Non. Tu peux me le dire bientôt? Si. Bon, je vous enverrai un mail quand ça sera en ligne, tout ça, puisque maintenant, ça dépend plus de nous.